Un magazine public des lettres. Vous avez resté combien de temps à discuter, là? Je comprends pas ce que vous faites. C'est néanmoins redevenu, comme chaque année, le point de rendez-vous du spectacle. Un exemple d'une âme qui n'est pas fraîche. Quand on montre, quand on rend visible, quand on considère, bien tout à coup, ça permet que la pensée circule. Et soit... Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Les Petits Papiers, le podcast du théâtre de la Manufacture. Nous sommes là pour parler de théâtre, et pas que, pendant 30 minutes. Merci à Radio Fadjet pour la réalisation de ce podcast, la radio qui fête ses 40 ans d'existence cette année. Vous nous écoutez en direct ou en podcast grâce aux différentes applis d'écoute. Alors, Les Petits Papiers, épisode 3 aujourd'hui. Et cap sur Micropolis, le festival qui célèbre le printemps, mais surtout le théâtre. Du 20 au 23 mars, ce sont 4 jours de spectacles, mais des spectacles d'une forme un petit peu particulière, des spectacles dits itinérants. Alors l'itinérance artistique, définition, avant de poser la question à mes invités d'aujourd'hui, l'itinérance, qu'est-ce que c'est? Alors, dans nos imaginaires itinérants, le spectacle itinérant, ça renverrait peut-être à la vie de Bohème, de l'artiste écumant les routes et les petits chemins de traverse. On pense à Rimbaud et son petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Et c'est de cela dont il peut s'agir, de semer la graine du théâtre en chemin. Du chariot de Thespsis, artiste itinérant de l'Antiquité, à la troupe de Molière sur les routes en passant par la Commedia dell'arte, le théâtre se joue depuis longtemps à l'extérieur de la cité et en dehors des lieux dédiés. D'ailleurs, n'est-il pas le théâtre originel? Alors aujourd'hui, à l'heure des coupes budgétaires, mais à la volonté toujours plus puissante d'aller chercher et jouer devant les publics, qu'appelle-t-on itinérance? Théâtre de rue, chapiteau mobile, tréteau ou performance de rue, faites un pas de côté et plongez avec nous dans le théâtre qui marche et se déplace. Alors, pour tenter de décortiquer ce qu'est l'itinérance artistique, je serai accompagné par un comédien et une comédienne qui joueront lors du festival Micropolis. Bonjour à Ottilie Belcourt et à Alexis Barbier. Coucou. Bonjour. Alors, je disais, tous les deux, vous allez jouer pendant les 4 jours de Micropolis, mais on va y revenir. Mais vous n'êtes pas uniquement, je vous ai présenté comme comédien et comédienne, vous avez aussi des compagnons. Enfin, vous faites plein de choses en dehors de la comédie avec le CDN. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu en quelques mots? Oui. J'y vais? Vas-y. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais à côté de la manufacture? C'est ça la question? Un petit peu. Ok. J'ai créé une compagnie avec deux amis du conservatoire. On s'appelle la compagnie Les Bonas, du nom de notre premier spectacle éponyme, Les Bonas. Qui est une adaptation des Bonnes de Jean Genet qu'on a voulu adapter pour la rue, en fait, pour délocaliser le centre d'examen. On passait notre examen à l'époque à l'EBMK et on voulait jouer devant l'EBMK et pas dans l'EBMK. Voilà. Et puis, j'ai beaucoup tourné le spectacle, est un peu en fin de vie maintenant, mais j'ai beaucoup tourné le spectacle qui s'appelle Fracasse, ou la révolte des enfants des Vermiraux, de la compagnie des Eaux. Voilà, qui est pour le coup, pour moi, la définition de l'itinérance avec ce spectacle, et dans la forme qu'il a, et dans l'histoire qu'il raconte, parce que c'est l'histoire du capitaine Fracasse, qui sont des comédiens sur les routes. Voilà. Eh ben, c'est ça, je fais de l'improvisation aussi, avec la compagnie Crash Text. Okay. Je donne des ateliers d'impro à des ados. Eh ben, on reviendra peut-être sur le capitaine Fracasse et ce spectacle-là, si ça peut être une des définitions de ce qu'on appelle l'itinérance. Je passe la parole à Alexis, justement, si tu peux nous présenter ton travail en quelques mots. À côté de la manufacture, j'ai un spectacle en solo que je joue en itinérance, on va dire, qui a été en tout cas pensé vraiment pour être joué dans la rue. Ça s'appelle Cabaret la Nation et c'est un montage de texte d'un auteur italien et à l'intérieur des petits passages musicaux, tout ça. J'ai eu l'occasion de le jouer à Micropolis l'année dernière pendant la soirée d'ouverture. Voilà, après je travaille avec d'autres compagnies, notamment une compagnie de copains qui sont basés à Toulouse. Et là j'interviens en tant que musicien sur un spectacle qui lui aussi est prévu pour la rue et en itinérance. Mais c'est une autre forme, c'est un petit peu plus costaud en termes de technique, mais ça a été pensé quand même pour être facilement transportable partout, quoi. Voilà. Et à côté, je suis aussi musicien et j'ai un projet de rap où je fais aussi des concerts parfois très légers et je m'installe dans la rue et je joue dans la rue. Et inopiné, j'ai envie de dire. Un petit peu. On va essayer d'éviter de parler tout le temps d'itinérance. Moi-même, je m'applique à ça puisque ce mot trivial qui veut dire tout dire et rien dire en même temps. Donc c'est pour ça, j'aime bien avoir d'autres mots comme théâtre de riz, etc. Ouais, donc, ouais. Voilà, ça, ce qui permet de définir aussi l'itinérance. Et du coup, je me retourne vers mon troisième invité, qui est un peu notre garant technique, Thibaut Dubourg, régisseur général des productions ex-intermittent. Toi, t'es passé de l'itinérance à la sédentarité dans le parcours. C'est vrai. Bah, bonjour. Bah, bonjour à toi. Du coup, bah, ton avis et surtout ton expérience, en tout cas, en tant que régisseur d'une part et d'intermittent va être hyper intéressant parce qu'on va voir que d'une façon technique, ce qu'on appelle des spectacles itinérants ou d'autres formes théâtrales qui jouent dans des salles de spectacle, mais là qui se jouent en dehors des salles de spectacle, bah, c'est une autre logique technique. Eh ben, écoutez, j'ai une première question pour vous. Vous avez déjà répondu à ça en partie, mais qu'est-ce que c'est pour vous l'itinérance de façon assez succincte, une définition que vous auriez en quelques mots. Vas-y, je t'en prie, Alexis. je réfléchis. Je sais pas, je saurais pas trop dire. En fait, j'ai l'impression que dire bah, c'est un spectacle qui part sur les routes, finalement, c'est le lot de quasiment tous les spectacles. Enfin, ils ont quand même tous pour objectif de pas seulement... Enfin, quoique, des fois, on peut faire des créations in situ et on se dit ça ne joue que là et c'est l'idée... Voilà, mais souvent ça a vocation à jouer ailleurs, quoi. Après, j'ai l'impression que souvent on met derrière itinérance plutôt des formes plus légères que des spectacles qui pourraient avoir lieu dans des salles très équipées et tout ça, et qui demandent d'avoir un SMI pour déplacer le décor et tout. Et là, plutôt d'avoir quelque chose de léger qui peut se mettre un peu dans des espaces non dédiés, mais aussi dans des espaces dédiés, mais juste plus léger, quoi. J'ai l'impression. Moi, j'ai pas la réponse. Bah, tu me regardes comme si j'avais la bonne réponse. J'ai pas la réponse alors. Je me retourne vers vous deux. Alors, peut-être que la question est posée, comment dire, justement, comme si j'avais la réponse à ça. Mais le mot itinérant, qu'est-ce que ça vous évoque, en fait, tout simplement? Je pense, partons de là. Bah, je pense que pour moi, le théâtre itinérant, c'est directement ça m'évoque directement le théâtre où on va sortir de la salle de théâtre et on va aller ailleurs, à un endroit qu'on ne pensait pas être prévu pour du théâtre, où on ne s'attendait pas à retrouver du théâtre. Et d'un coup, il y a un théâtre qui arrive, quoi. Après, là-dessus, je suis moins d'accord sur le fait que c'est moins demandeur techniquement ou qu'il n'y a pas besoin de semis, parce qu'il y a des spectacles itinérants, j'ai déjà vu, qui sont énormes, qui sont gigantesques. Et voilà, c'est un peu l'idée de s'adapter à quelque part où on nous attendait pas, en tout cas. Qui n'a pas été pensé pour nous. À moi. Vas-y, t'essayes de défiler. Bah, oui, je rejoins un peu, je rejoins les deux réponses des garçons. Moi, bah, comme je le disais tout à l'heure, dans Itinérance, c'est vraiment pour moi l'idée du capitaine Fracasse qui vient héberger une troupe de comédiens un soir, de partir avec eux après sur les routes pour aller faire du théâtre, aller présenter du théâtre là où il n'y en a pas et là où on ne l'attend pas. Et après, il y a aussi pour moi, dans ma définition à moi, il y a une énorme part d'adaptabilité, donc et au lieu. Et aussi au public. Dans ma tête, même si je te rejoins, Thibaut, il y a des spectacles itinérants qui ont des besoins techniques assez lourds. Mais dans ma tête, par exemple, il n'y a pas forcément besoin de lumière dans des spectacles itinérants. Et du coup, il y a vraiment ce truc qu'on retrouve quand même moins en salle, d'être les yeux dans les yeux avec le public. Et de, je disais, une grosse part d'adaptabilité, mais aussi une grosse proximité. Avec le public. Et puis itinérant, d'une manière générale, là, on parle du public, mais si je me mets du côté des acteurs et des actrices, c'est aussi une adaptabilité dans le sens où tu pars sur les routes et puis bah, des fois, tu dors dans un hôtel, puis des fois, tu dors au camping, et puis... Enfin, voilà, c'est un peu la vie de bohème, en vrai. Eh bien, écoutez, j'adore vos réponses. On converge, j'ai l'impression, un peu tous vers cet imaginaire. Bah, comme tu le disais, Ottilie... de l'itinérance un peu bohème, un peu forain, du chapiteau qui s'installe de village en village, de l'artiste vagabond, comme il y a dans les folklores anglais, italiens ou espagnols. Une vision un peu de l'artiste à la marge, un peu en opposition, bon là c'est vraiment une image hein, très cliché, mais de l'institutionnel un peu bourgeois qui est comme figé, un peu dans l'immobilisme des salles de spectacle en dur, parfois très très vieilles. Alors, cette opposition-là, entre ce duel entre nomadisme et sédentarité artistique, on va dire, on va voir que les choses ne sont pas si manichéennes, justement, et simplistes. On va remonter un peu dans le passé, au siècle dernier même. Il y a plusieurs figures issues justement des institutions et du théâtre parisien de l'époque, qui est vu que enfin, le théâtre parisien est un théâtre très bourgeois à cette époque-là. Il y a quelques personnes qui vont avoir des initiatives d'un théâtre qui se veut beaucoup plus populaire. Et ils entendent par populaire de proposer déjà des œuvres hors de Paris. Et surtout pour aller un peu plus loin que les tournées qui se faisaient à l'époque où c'était des théâtres de boulevard qui allaient en tournée. Il s'agit d'aller même hors des salles de spectacle, donc les premiers pas de l'itinérance. Donc on va citer l'exemple le plus proche de nous. Alexis, tu en as parlé aussi hors antenne juste avant, à Bussan dans les Vosges, avec Maurice Potécher, qui est fils d'une famille d'industriels vosgiens. Il va créer des pièces locales pour et avec des ouvriers vosgiens et va débuter ainsi l'utopie un peu théâtrale du théâtre du peuple qui existe encore de nos jours et son épitaphe qui est assez connu qui est « Par l'art pour l'humanité » à laquelle on ajoute souvent « Pour le peuple et par le peuple ». Une autre initiative à peu près en parallèle de cette même époque, c'est celle de Firmin Gémier qui s'inspire justement de l'expérience du théâtre du peuple qui désire quant à lui de déplacer la salle de théâtre avec le Théâtre National Ambulant, une salle de 1650 places, démontable, qui va sillonner la France en camion, puis après en wagon. Une folle aventure, mais qui est néanmoins éphémère. C'était un succès populaire, ce Théâtre National Ambulant, mais un échec économique. L'aventure, elle a débuté en 1911, et ça coûtait tellement cher qu'il a dû renoncer à l'expérience dès 1912. Donc, quand on parle de coûts à cette époque-là, c'était vraiment des financiers privés qui finançaient ces projets-là. C'était pas du tout une politique culturelle comme on peut l'entendre à une époque plus moderne. Et du coup, à ce moment-là, on voit deux choses apparaître. Il y a une volonté quand même de certaines personnes issues du théâtre d'aller chercher le public, de le rendre le théâtre plus populaire. C'est le début de ce qu'on va appeler plus tard la décentralisation. Mais c'est aussi de créer avec les populations locales l'exemple du théâtre du peuple. Mais on voit également, comme je disais, que ces initiatives, elles ont un coût. Potécher, lui, il a pu avoir l'appui de sa famille et d'une famille d'industriels. Gémier, lui, il a dû renoncer à son théâtre ambulant qui avait pourtant conquis un certain public. Bon, on va faire un bond en avant. Dans les années 50, on voit apparaître ces deux phases, j'ai envie de dire, de l'itinérance. L'idée d'un théâtre populaire qui avait été initié par Firmin Gémier avec d'une part le Théâtre National Ambulant, mais plus tard, quand il y a eu l'échec du Théâtre Ambulant, il a monté le TNP, qui existe aussi également aujourd'hui. Et on va écouter tout de suite Jean Villard en 1950, juste avant de prendre la direction de ce même TNP de Villeurbanne. Le but était très simple, et comme tous les buts simples, il était assez difficile et nous poursuivons en faisant en sorte que d'en approcher le plus près. Le but était celui-ci. Théâtre populaire signifiait pour nous réunir dans les travées du théâtre, dans ce qu'on appelle le public, les gens appartenant à toutes les classes de la société, mais évidemment et plus particulièrement celles qui, pour des raisons de bourse modique, va rarement au théâtre, va rarement au spectacle. Ce but, nous l'avons, je pense, entièrement atteint quand nous sommes allés dans des lieux populaires, ce que l'on appelle la banlieue parisienne, quand nous sommes allés à Suresnes, notamment, à Clichy, à Gennevilliers. Il y a un problème grave, c'est le problème des salles. Les salles en banlieue, ou bien ne sont que des salles de fête sans scène, ou des petits théâtres, ou de grands théâtres d'ailleurs, où l'acoustique n'est pas toujours très bonne, ou en hiver, ces salles sont glacées. Par exemple, à Clichy, ce n'est pas dans un théâtre que nous avons joué, c'est dans la halle aux poissons. Au-dessus de la halle aux poissons, et l'après-midi quand nous répétions, il restait encore les odeurs du poisson de l'après-midi. Mais le soir, nous faisions en sorte pour que ça n'existe plus. Alors, Jean Villard, c'est en 1950, on l'entend au son de la voix et à la diction. D'autre part, en 59, donc un petit peu plus tard, Jean Danet reprend l'autre concept de Firmin Gémier, décidément visionnaire, du Théâtre National Ambulant, avec la création des Tréteaux de France, qui est encore en activité, qu'on connaît aujourd'hui, sous une forme un peu différente de ce qui s'est passé dans les années 50, qui va déplacer un énorme chapiteau aussi sur les routes, les Tréteaux de France, qui fait partie d'un des premiers à faire partie du réseau des CDN. Et justement, ces centres dramatiques nationaux sont un peu le symbole de cette deuxième phase itinérante, celle de la décentralisation théâtrale. Qu'est-ce que c'est ? En quelques mots, c'est une véritable politique culturelle qui est portée à la libération par une femme qui s'appelle Jeanne Laurent, qui était résistante, principalement, et qui vise à l'éducation populaire, à la diffusion des œuvres et de la création sur tout le territoire. Il faut imaginer aussi qu'en parallèle à cette période, les patrons de théâtre parisien ne voient pas d'un très bon œil cette décentralisation. Parce que pour eux, c'est un déplacement des capitaux, d'argent et de financement de théâtre vers la région. Et aussi, bah, y a eu un mécontentement aussi des machinistes de l'époque. Bon, je passe des détails, mais il y avait une énorme réticence de la part du milieu parisien. Mais il y a une génération d'artistes qui va soutenir cette idée d'un service public théâtral, d'un théâtre pour tous, de Jean Villard qu'on a entendu à Antoine Vitez. Mais on va écouter Roger Planchon, qui, en 72, directeur également du TNP. Le 11 novembre 1901, il y a eu 52 ans hier, le TNP était inauguré au palais du Trocadéro. Son directeur, Firmin Gémier, venait d'être nommé pour un an. Jean Villard, en 1951 et pendant 12 années, donnera au TNP ses lettres de noblesse. Roger Planchon succède à George Wilson, exemple concret de décentralisation avec bien sûr de nouvelles orientations. La nouvelle orientation consiste en ceci, c'est reprendre l'idée de Gémier, tout à fait au départ du TNP, qui est le fondateur du TNP, consiste à faire un grand théâtre national ambulant, c'est-à-dire de ne pas être sur une seule ville, ni Villeurbanne, ni Paris, mais d'être un peu sur la totalité de la France, si j'ose dire. Et nous allons donc organiser sur toute la province française des sortes de festivals d'hiver où les gens de ces villes pourront voir quatre grands spectacles, si vous voulez, présentés, plus les expositions, plus les débats, plus toute l'animation qu'on peut faire dans une ville pendant un mois. Et c'est en sorte des festivals d'hiver, comme il y a eu jadis le Festival d'Avignon, et comme il y existe toujours d'ailleurs, mais c'était l'été, nous allons essayer d'organiser dans les villes de province de grands festivals d'hiver. Alors, on entend là, dès 72, en fait, on a cette idée de proposer du théâtre pour tous, à travers des festivals, à travers ce qu'on appelle la décentralisation, en fait, de sortir un peu du théâtre. Donc cette politique, elle va être maintenue par André Malraux, puis consolidée sous Jack Lang dans les années 80-90. Et depuis 59, cette politique a vu la création de 32 CDN et de 71 scènes nationales. Alors, ce qui m'intéresse dans ce rappel historique, c'est que l'on est parti d'une initiative de quelques-uns, d'une utopie, d'une aventure, d'un échec parfois, d'un succès éphémère, pour en faire une véritable politique culturelle. Et par politique culturelle, j'entends soutenue financièrement, étatiquement en tout cas, pour l'instant. Démocratiser l'art théâtral, c'est un peu l'objectif pendant ces quelques années. Là, dernier extrait, nous sommes en 82 et Antoine Vitez parle justement d'un théâtre élitaire pour tous. Antoine Vitez. J'ai appelé élitaire pour tous. Il y a quand même là une petite provocation et une malice dans cette expression, parce que les deux termes sont contradictoires. Si c'est élitaire, c'est pour quelques-uns. Bon, la happy few, dont parlait Stendhal. Et si c'est pour tous, alors c'est pas élitaire. Eh bien, c'est ce paradoxe que je voudrais développer. Et je voudrais simplement témoigner de mes sentiments ici démocratiques. Dire que en quoi consiste, à mon avis, la démocratie en matière d'art. Il s'agit non pas de nier que l'art du théâtre est un art de connaisseurs et demande des connaisseurs, mais d'élargir le cercle des connaisseurs. C'est ça le mouvement démocratique du travail théâtral. Brecht a dit, et je trouve que c'est magnifique, que le bon théâtre doit diviser le public et non l'unir. C'est vraiment pour moi un credo, cela. J'espère continuer à diviser le public et non pas à l'unir, surtout à ne pas l'unir contre moi, naturellement. Alors, on revient à aujourd'hui, en fait, quel est l'héritage de cette décentralisation théâtrale ? Si la création en région ne fait plus de doute, j'ai envie de dire, la décentralisation a un autre enjeu actuellement. On est passé du faire venir à aller vers, sortir le théâtre des centres urbains. On en parlait justement avec deux lycéens dans le dernier podcast qui vivent en zone rurale et qui éprouvent la difficulté d'aller voir du théâtre ailleurs que dans les centres urbains. La décentralisation aujourd'hui se concentre encore plus localement dans ce qu'on appelle justement ces zones blanches, des zones blanches artistiques, mais zones blanches de services publics en général. Alors, après ce long passage historique, je me tourne vers vous trois. Et si vous pouvez me raconter des expériences itinérantes concrètement dans vos carrières, dans votre histoire d'artiste. Alors, qui commence? Bah écoute, vas-y, je commence. Allez. Moi, du coup, j'ai eu beaucoup d'expérience en itinérance. Puisque j'ai commencé à bosser au CDN de Nancy, en fait, en électro, en technicien lumière, tout ça. Puis, très vite, je me suis mis à gérer l'itinérance depuis la décision de faire des spectacles en itinérance de la direction. Mmh. Donc, ça a commencé avec Canine de lait, qui était du théâtre d'appartement. Donc, moi, j'avais encore jamais fait ça. J'ai découvert le théâtre d'appartement. Après, il y a eu le processus qui jouait dans des écoles, dans des salles des fêtes. Il y a eu le dépôt de bilan, longueur d'onde. Bref, j'ai vu passer tous ces projets du CDN de Nancy qui étaient en itinérance. Après, au-delà de ça, un autre rapport que j'ai avec l'itinérance, du coup, en tant qu'intermittent, c'est que je me suis aussi retrouvé à devoir monter des cirques sur des parkings, sur des endroits où, pour le coup, vraiment, on ne s'attend pas à trouver du théâtre, on ne s'attend pas à trouver de l'art. Ou alors aussi, j'ai une compagnie à côté aussi, la compagnie d'Alerion, où on fait un spectacle, du coup, dans des salles d'école. Où pareil, on a un peu plus ce rapport à l'itinérance, même si c'est un spectacle un peu hybride où on fait aussi en grande salle aussi à côté, quoi. Et du coup, il y a un truc que je trouve qui ressort beaucoup avec l'itinérance, c'est surtout en fait que on n'a pas du tout le même rapport avec le spectacle, avec comment on va être accueilli, comment on va être suivi. Tu parles d'un point de vue technique, enfin d'un point de vue même d'un point de vue, enfin oui, d'un point de vue logistique, et aussi même d'un point de vue artistique ou pratique en fait. Où tu vas chercher à adapter ton spectacle à la salle plutôt que d'attendre que la salle s'adapte à ton spectacle et d'avoir vraiment cette boîte noire que tu as habituellement dans une grande salle, d'avoir vraiment tes dimensions, etc. Boîte noire, si tu pouvais définir boîte noire. Ouais, on sait tout, je pense, ici, nous quatre, ce que ça veut dire, mais si tu pouvais faire une définition de la boîte noire. La boîte noire, c'est l'espace scénique qui est vraiment entièrement noir avec un sol noir. Des rideaux noirs, des murs noirs, plafond noir, qui fait un truc très aseptisé et très qui permet la discrétion aussi des comédiens, l'apparition de la lumière, qui permet en fait de vraiment créer un vrai espace de jeu. L'outil standard, quoi. Est-ce que t'as pas quand tu vas jouer dans des salles des fêtes ou Ouais, ou même dans des salles de classe, dans ce genre de choses, t'auras très très rarement une boîte noire. Et même quand tu en as une, c'est pas une vraie boîte noire aseptisée, quoi. Du coup, je passe la parole. Excuse-moi, Alexis, parce que Otilie essaye de se défiler. Mais. Pourquoi? Non, je pense que tu essayes de passer la parole et tout. Pourquoi? Non, du coup, je me retourne vers toi directement parce que tu parlais de ce spectacle dont tu nous as évoqué en introduction. Ah oui. Ça, en tout cas, de ce que tu nous as teasé, on va dire, c'est une vraie expérience d'itinérance pour le coup. Ben oui, c'est. Oui, je voulais pas me défiler. Hein. oui, c'est une vraie expérience d'itinérance parce que le spectacle a été déjà pensé comme ça. Et en plus, l'histoire qu'il raconte, c'est l'histoire du Capitaine Fracasse, qui est pour moi une histoire d'itinérance. Et l'auteur du spectacle qui jouait avant le rôle du Capitaine Fracasse, le rôle que j'ai repris, il a choisi, dans cette adaptation du Capitaine Fracasse, de faire un parallèle et un fil rouge entre l'histoire du Capitaine Fracasse et la vie des comédiens. Où en fait, on est amené, comme je disais tout à l'heure, à partir en tournée une semaine, deux semaines, trois semaines. Et voilà. Et donc, en fait, ouais, je me perds dans mes explications sans trop spoiler le spectacle. Non, bref, c'est une vraie expérience d'itinérance, ce spectacle-là. Moi, j'ai eu la chance de le jouer presque 300 fois. Le spectacle l'a joué 500 fois. On le jouait énormément en scolaire. Et c'est un spectacle qu'on a réussi contre vents et marées à jouer même pendant vraiment le premier confinement où là, toute la France était à l'arrêt. Mmh. Mais pendant le deuxième et troisième confinement, on pouvait tellement s'adapter partout qu'on l'a joué, mais dans des lieux un peu comme disait tout à l'heure ce monsieur quand il parlait de la halle aux poissons. Enfin, Fracasse, on l'a joué absolument partout. On l'a joué dans des dortoirs, dans des salles de ping-pong, dans des réfectoires, dans des couloirs, sur un bateau. Enfin, on l'a joué vraiment absolument partout, partout, partout, partout. Voilà. Très chouette expérience, du coup. Oui. Je me retourne vers toi, Alexis. C'est quoi tes expériences? Tu pourrais nous citer des expériences d'itinérance qui te viennent comme ça et qui pourraient aider à définir ce mot. J'anticipe peut-être ma deuxième question, puisque quand je vous entends parler d'itinérance depuis tout à l'heure, on a du mal à faire une distinction avec une tournée, par exemple. Ah oui, oui. Mmh. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. De base, on part en tournée, même si c'est avec le CDN pour aller jouer dans un autre centre dramatique national, on est en itinérance en fait. Et c'est un peu ce que je C'est un peu ça aussi que je montrais dans l'historique, c'est que c'est très lié, en fait, quand on parlait d'itinérance pendant une grande période, c'était juste la décentralisation, ouais. Ce qui était énorme aussi pour l'époque, hein, d'aller juste dans un autre théâtre en région. On entend même, quand on entend Jean Villard en parler, on a l'impression que c'est dingue, mais ils vont juste en banlieue parisienne, quoi. Ils font, ils font 15 kilomètres, quoi. Oui, c'est clair. Bah, moi, en tant que... À la base, je dirais en tant que public, la première rencontre, c'est une fois que j'ai été dans un festival d'art de rue, quoi. Et là, j'ai pris des claques sur claques sur claques, de voir des formes théâtrales que je n'avais jamais vues. Des spectacles, des ambulations, des trucs de fou dehors. Et tu te dis, ah ouais, comment c'est possible? Alors en effet, chargé des fois techniquement, hein, clairement. Et voilà, je pense que ça, c'est vraiment ça qui m'a attiré à un moment, à faire plutôt ces formes-là, quoi. Et après, du coup, j'étais un grand spectateur de ce type de spectacle, finalement. Enfin, les choses qui jouaient en dehors des salles et tout. J'avais l'impression qu'il y avait une liberté de fou. Après, en grandissant et en voyant comment ça se passait, finalement, et en rentrant dans ce milieu-là, on se rend compte qu'il y a d'autres problématiques aussi, et il y a d'autres murs, il y a d'autres cages. Mais voilà. Et après, du coup, quand j'ai préparé ce spectacle, la Cabaret à la Nation, c'était un peu le spectacle qui mûrissait dans ma tête en me disant, OK, quand j'aurai fini mes études de conservatoire, je me fais une petite forme et puis je vais jouer, quoi. Et j'avais vraiment un gros rêve de jouer sur les routes, quoi. De faire un truc comme ça, de me dire, bah, de toute façon, au début, ça va être super compliqué de trouver des dates, des machins. J'ai envie de le jouer puis de le roder, quoi. Et on était parti avec un ami. J'avais emprunté, en relatif confort quand même, le camping-car de mes parents. Et on s'était fait une petite tournée, en fait, dans les Vosges. J'avais envoyé des mails, en fait, à des mairies en disant, voilà, du temps au temps, j'ai envie de jouer mon spectacle sur des places de village. Est-ce que vous êtes d'accord? J'avais eu vraiment très peu de réponses. Alors que j'avais quand même contacté bien 80 communes. Enfin. Et en fait, et du coup, on est parti, on a fait ça pendant 5 jours, quoi, où je jouais. Un endroit, puis des fois c'était pas prévu, mais du coup, ah bah si vous voulez, vous pouvez jouer au camping là, ou sur l'aire de camping-car de là-bas, machin. Et là, se retrouver à faire des dates devant 5 personnes, 6 personnes, de jouer au bord d'un endroit qui est a priori un peu touristique, et la mairie avait dit, ah bah là-bas ça peut être cool. Puis en fait, tu joues devant 8, même moins, enfin bref. Et là, il y avait vraiment un côté, bon, en fait, tu sais que tu fais pas ça, que ça va pas te faire décoller ton spectacle et tout, mais l'impression d'être à un endroit hyper précieux de OK, là c'est un peu cool ce qui se passe, enfin les personnes s'attendaient à ce qui se passe ça, et voilà. Bah, c'est ce qu'on entend souvent. Je vais vous faire écouter dans un petit instant une expérience d'itinérance d'il y a un ou deux ans portée par le Théâtre d'Angers. Ton histoire que je viens de me raconter et ce qu'on va écouter dans un instant, il y a aussi ça, ce lien avec les locaux, avec les gens qu'on rencontre, avec le fait même de faire pousser au milieu d'une forêt une scène de spectacle de briques et de broc, il y a un truc très valorisant aussi pour les artistes et aussi évidemment pour le public aux alentours. Je vous fais écouter ce petit extrait d'une tournée des villages d'un Molière, où c'est un théâtre à Angers qui s'occupe de ça, et vous allez voir que tout le monde met la main à la pâte. Le village à une trentaine de kilomètres au nord d'Angers, sur une grande étendue d'herbe, entre les tables de pique-nique et les jeux pour enfants, à côté du chemin de halage du bord de la Sarthe. Une scène est en train d'être installée, une dizaine de personnes portent des tréteaux et de grandes planches de bois. Donc là, on emboîte les tréteaux, vous allez voir poser les planchers après les uns par-dessus les autres. Jessica Vedel fait partie de la troupe du théâtre régional des Pays de la Loire. La scène s'adapte à chaque lieu de représentation. C'est des scènes qui sont modulables. Tous nos décors sont tous les ans surélevé pour que les gens qui sont à même le sol puissent voir bien jusqu'au fond de la non-salle. Donc maintenant, on sait qui fait quoi exactement. Et comme ça, on gagne des minutes importantes. Car ici, les comédiennes et comédiens ne font pas que jouer. Chacun est multitâche et s'occupe d'installer la scène et le décor, entre autres. Adrien Noblet, comédien dans la troupe depuis 10 ans. Voilà, on monte le décor, on tient la buvette du théâtre avant le spectacle, après le spectacle. On monte, on démonte et on fait pas ça toute l'année peut-être, parce que c'est très fatigant. Mais en tout cas, sur cette période-là, ça permet... on entre en scène, on n'a pas le temps de se préparer pendant 4 heures, à être là, voilà, à penser à... Et du coup, ça amène un autre état d'esprit assez plaisant. 1, 2, 3, on y va. C'est le moment un peu délicat. Il y a eu une caravane de 180 kilos à monter à 1m10. On fait tout avec cette caravane. C'est même l'unique décor. Ça fait partie même de l'essence de la troupe. Au début, c'était une question de budget. On avait déjà à peine le budget pour financer les salaires des acteurs. Maintenant, c'est quand même un peu plus confortable. Mais néanmoins, on garde cet esprit. Tout le monde doit avoir à chaque étape conscience de ce que fait chaque corps de métier du théâtre. J'aime pas du tout le côté... Il y a les administratifs d'un côté, les les acteurs de l'autre et la technique d'un troisième côté. Les administratifs, ils viennent nous aider aussi tous les soirs à tenir la billetterie, à tenir le bar. Alors, faire sortir le théâtre du théâtre, mais c'est quoi la différence entre jouer hors théâtre et dans une salle de spectacle, concrètement en tant qu'artiste aussi en termes de jeu, mais aussi techniquement? Comment ça se met en place vraiment dans le concret, quoi? Ah bah, techniquement, c'est sûr, c'est pas du tout pareil. Et en même temps, il y a un petit peu... on retrouve certaines choses. Des similitudes. Ouais, il y a beaucoup de similitudes avec une salle, dans le sens où on est toujours un peu dans la débrouille, on découvre quand même un lieu, quoi qu'il arrive, qui a ses spécificités, qui a ses règles. C'est juste que les règles peuvent être complètement à l'opposé de ceux dont on a l'habitude. Après, il y a aussi beaucoup de gestion administrative, parce qu'il y a certains lieux où on est obligé de déclarer qu'on va faire un spectacle à cet endroit. Et après, d'un point de vue technique, ça dépend aussi, parce que dans le théâtre itinérant, il y a théâtre de rue, et le théâtre de rue, il y a très peu de besoins techniques. C'est deux comédiens sur un banc, et des fois, ça suffit. Donc, c'est différent et pas différent dans le sens où ça va dépendre du spectacle. C'est plus on va vouloir quelque chose qui va ressembler à un théâtre, plus on va avoir besoin de technique par rapport à si on était dans une salle normale. Les besoins sont vraiment du tout au tout. Du coup, je me retourne vers Ottilie et Alexis. On va reparler de Skull Stretch que vous allez présenter à Micropolis. Là, concrètement, sur le même spectacle, il y a beaucoup de spectacles qui se font où il y a un format itinérant et un format boîte noire, comme tu dis. C'est quoi la différence pour un spectacle comme ça? Est-ce que vous percevez même cette différence? Enfin, je ne sais pas s'il y a une différence pour moi. Ouais, ce qui est... Parce que même si c'est en boîte noire, en fait, on recrée... Même si on est en boîte noire, on recrée la salle de classe dans laquelle on le joue, c'est quand on joue en salle de classe. Ouais. Donc, pour ce spectacle-là, il n'y a pas vraiment de... Enfin, moi, en tout cas, je ne sens pas trop la différence. Après, il y a une énorme différence, par exemple, par rapport à 4e A, qui, là, pour le coup, est un spectacle, pour moi, typiquement en boîte noire, avec Skull Stretch. C'est qu'en fait, je crois que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais en fait, là, tu as une donnée que tu n'as pas du tout dans 4e A, c'est qu'en fait, en face de toi, tu as des gens qui te regardent et en fait, tu as les yeux des gens en face de toi. Et la plupart du temps, en plus, c'est des ados. Donc, leur regard ne ment absolument pas. Donc, s'ils n'ont pas compris, s'ils s'ennuient, s'ils s'endorment, tu le vois tout de suite. Et ça, pour le coup, c'est une vraie différence. Et pour moi, c'est un cran de concentration en plus. De concentration et d'écoute et de porosité. Entre l'acteur et le spectateur. Ouais. Après, sur Skull Stretch, vous courez partout autour du public. Ouais. Est-ce que ça arrive souvent vraiment qu'il y ait des gens qui s'endorment un peu devant vous? Ah bah quand tu fais une scolaire à 9h du mat... Ouais, ça arrive hein, quand même des oui, fois. Oui, ça arrive, oui. Il y a des trucs un peu dingos. Mm. Mais oui, c'est drôle parce qu'en fait, avec Skull Stretch, c'est complètement l'inverse qu'on fait. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que le spectacle qui joue hors les murs, bah du coup, on essaie de reconstituer quand même la scène, les machins. Et nous, en fait, finalement, quand on joue dans une salle de spectacle où t'as la scène et tout, bah non, faut qu'on reconstitue une salle avec une travée au milieu et tout. Après, c'est marrant parce que les salles de classe dans lesquelles on joue, on les adapte aussi un petit peu. On a quand même un plan, quoi. Enfin, je veux dire, il faut qu'elles aient une... Enfin, voilà, il faut qu'il y ait un bureau là, deux rangées, deux grandes colonnes de chaises et tout. Mais ouais, en fait, la grosse différence, ça va être le public, la nature du public. Parce qu'en fait, si on ne joue pas en salle, c'est qu'on est en scolaire. Donc, en fait, on va avoir globalement des jeunes, quelques adultes. Et puis, quand on est à l'inverse, en salle, c'est le public qui va vraiment changer. Dans ce spectacle, c'est ça là, vraiment la grosse différence, je dirais. Est-ce que vous avez déjà eu des cas alors là, je parle plus dans votre travail à vous, d'aller créer ailleurs que dans une salle de théâtre, ailleurs de chez vous, de votre ville, de créer même avec des habitants, de créer dans des lieux, je sais pas, à l'autre bout de la France. Est-ce que ça vous est déjà arrivé sur un temps long? C'est quoi un temps long? Pas juste faire une résidence de deux jours quelque part. Vraiment d'avoir, d'aller dans tel village, dans l'Ariège ou je ne sais où, et de créer avec des gens. Ouais, mais c'était des... Comment dire? C'était plutôt deux semaines, quoi. Mais c'était des résidences avec compagnie de copains, et c'était pas dans une salle. Mais il n'y a pas de question piège. Ouais, non. Non, mais du coup, je me demande si c'est ça qui t'intéressait comme truc. Ou... Bah ouais, bien sûr. Parce que t'es quand même hors de ton cadre familier, toi aussi. On parlait de... Ouais. Et en même temps, c'est assez familier, je trouve, quand tu montes des spectacles au début avec des bouts de ficelle, de se retrouver à bosser dans des endroits improbables. Parce que trouver une salle, c'est chaud. J'ai l'impression qu'on passe forcément par là. Du coup, ça me semblait pas si, tu vois... Si étranger. Ouais, si étranger, si bucolique, de se dire, ah tiens, on va se poser dans la grande maison de leur grand-oncle qui a une grande salle, et puis on va bosser là le spectacle. Oui, quoi. J'ai toujours bossé comme ça. Ouais, finalement, on a toujours. Enfin, c'était même plutôt waouh, mais quelle chance on a d'avoir cette salle. Ouais. À titre personnel, du coup, c'est pas vraiment un temps de résidence, mais il y a une compagnie aussi avec laquelle j'ai longtemps travaillé, avec qui je travaille toujours d'ailleurs. La compagnie Bulle de Rêve, où c'est du théâtre pour enfants, où ils sont un peu itinérants dans le sens où ça jouer dans les petites classes de maternelle ou quoi. Et en fait, eux, pour pas s'embêter, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont une maison où ils ont un étage entier, où en fait, c'est leur studio de répétition. En fait, c'est juste un appartement, quoi, mais de 20 mètres carrés, et ils en font, en fait, leur salle de spectacle pour l'itinérance, et ça leur permet, en fait, de répéter tous les jours, d'avoir vraiment ce truc, un peu, de ne pas être dans une salle... d'une salle de spectacle, quoi. Mmh. Bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission. J'ai un petit extrait à vous faire écouter. J'hésitais à l'intégrer dans l'émission, dans le podcast d'aujourd'hui. En fait, c'est une doctorante qui parle, c'était pendant Micropolis l'an dernier. Et elle parle d'une fédération de festivals itinérants. En tout cas, c'est plein de petits festivals comme ça de théâtre de... Enfin, pas que théâtre de rue, mais de théâtre aussi classique ou de théâtre itinérant. Et ils ont fait une fédération, ils se sont alliés entre eux, où ils vont plus loin dans le concept de décentralisation. Allez. Du coup, je pense que ça peut être assez intéressant pour aller un peu plus loin dans le sujet. La Fédération des festivals de théâtre de proximité, elle s'est créée en juillet 2021 lors d'une conférence au Festival d'Avignon. C'est une fédération qui est composée actuellement de 17 festivals. Alors, ils ont des anciennetés très diverses. Il y a des festivals dans cette fédération qui ont 50 ans, d'autres qui ont 2 ans d'existence. Ce sont des festivals en fait, qui sont tous situés en milieu rural, qui sont situés dans la plupart des régions métropolitaines et qui veulent essayer, en fait, en se fédérant, de transformer certaines politiques du théâtre public. Et en posant aussi un certain nombre de principes, ils vont par exemple parler de la culture comme bien commun. Elle permet aussi d'ouvrir des possibilités d'expérimentation sur ce que ça veut dire aussi vivre et créer dans notre époque, à l'heure de l'urgence écologique. Donc eux, ils présentent leur démarche comme une nouvelle politique de théâtre public, de proximité. Ils parlent d'un théâtre du bout du chemin. Il y a l'envie aussi chez eux d'arriver à montrer qu'une forme de nouvelle vague de décentralisation est en cours et surtout une volonté de réaliser un changement d'échelle en passant du national ou du régional au local et d'essayer de rencontrer des territoires, de proposer du théâtre dans les lieux de vie qui en sont éloignés. Donc il y a vraiment dans la charte, ils ont écrit une charte, il y a vraiment ce retour à un modèle de la troupe. Et du collectif, parce qu'il y a quand même une revendication par rapport aux troupes qu'il pouvait y avoir dans les CDN dans les années 50. Il y a une revendication quand même de modes de gouvernance beaucoup plus collectifs, beaucoup plus transversaux. Il y a la question de l'ancrage du processus de création et de production sur un territoire, en y incluant les habitants dans la durée, que ce soit d'un point de vue artistique ou d'un point de vue économique. Et puis on retrouve le fait de jouer en plein air, voire in situ, d'associer représentation en lieu fixe et en itinérance sur un territoire donné, et de continuer à travailler la question de l'accessibilité en termes de tarifs. Leur idée, en fait, avec ces festivals, c'est que c'est pas seulement avoir un temps de festival pendant une semaine, 10 jours, mais d'avoir aussi une action à l'année, de vraiment s'ancrer davantage sur un territoire pour avoir des échanges avec les habitants, avec les acteurs socio-économiques locaux, et d'avoir finalement différents ensembles, les habitants, les acteurs socio-économiques, les spectateurs, les trois ensembles pouvant ou non se recouper et pouvant être assez malléables. L'idée étant d'habiter ensemble un territoire donné et d'y créer des rapports sociaux, artistiques et économiques. Et là, ça rejoint un peu les projets culturels de territoire. Mais c'est aussi une façon de réfléchir à de nouvelles manières de penser les processus de création, de production et de diffusion, avec plutôt l'idée d'infuser sur le territoire plutôt que de diffuser à tout prix. Donc ça va passer par des actions de médiation conduites à l'année, ils vont organiser des lectures, des ateliers de jeux, des rencontres, ils vont aussi concevoir des créations amateurs, pour que justement il n'y ait pas seulement ce temps festivalier temporaire, et donc de jouer sur différents types d'adresses, sur une forme de régularité, pour aller justement vers les spectateurs, spectatrices potentiels, plutôt que de les faire venir dans un lieu qui est souvent peu familier, moins investi au quotidien, par ce qui serait des échanges de savoir-faire, d'idées et de biens entre une équipe artistique et l'ensemble de ceux qui demeurent sur le territoire. Voilà. Okay. Super, bravo. Ouais. Ouais. Ce qu'elle dit sur diffusion et infusion, c'est super intéressant parce que, d'ailleurs, Alexis, tu t'as dit j'étais un grand consommateur ou spectateur de ça. Moi, ça, c'est hyper intéressant de vraiment créer quelque chose en fonction de là où t'es. Et de, là, bien sûr, on recrée, comme disait Alexis, là, j'ai toujours fait avec des bouts de ficelle, je recrée, mais de travailler avec les gens qui t'accueillent, enfin, c'est ça qui est, c'est au-delà de l'art, c'est une expérience humaine que tu fais sur un très long terme et que tu peux faire sur un très long terme. Et le truc n'appartient pas que aux artistes ou aux techniciens qui ont bossé sur le spectacle, quoi. Ouais, ça rejoint le truc de bien commun, hein, ouais. De la culture. Ouais. C'est intéressant parce qu'en plus, il parle d'un festival qui finalement, dans sa manière d'agir, ne serait pas un festival. Et je trouve que c'est intéressant parce que je crois que quand même ces dernières années, toutes les formes itinérantes, toutes les formes de rue aussi, en fait, on subit à mort la festivalisation. Ça, c'est-à-dire qu'il y a soit la salle qui a sa programmation à l'année et tout, soit les festivals. Mmh. Et au milieu, il n'y a pas de commune qui dit « Tiens, il faut qu'on fasse venir un spectacle ce mois-ci. » Parce que, en fait, c'est plus dans les habitudes, c'est plus dans les... Enfin non, il y a les lieux de culture et puis il y a les festivals. Et en fait, au milieu, en tant qu'artiste, bah, soit on fait des trucs un peu pirates, un peu au chapeau, un peu machin et tout. On entendait tout à l'heure des gens qui faisaient des tournées avec des chapiteaux. Enfin, en fait, ils se créent leur propre petit festival itinérant, quoi. Mais c'est vrai que c'est peut-être un manque, quoi, qu'on a de redynamiser des endroits, de retrouver des trucs de troupe, travailler avec les amateurs. Elle en parle aussi au début de ce truc de troupe. Et moi aussi, j'ai retenu ce truc d'infuser plutôt que de diffuser. Et pareil, par exemple, les CDN, quand ils vont faire de l'itinérance, bah, dans les équipes de CDN, il y a... parce que pendant longtemps, on avait ce truc de faire venir, comme je disais en intro, et au lieu d'aller vers, quoi. Et on disait, mais quel va être le retour sur investissement, entre guillemets, quoi. On va jouer dans un foyer rural et tout, mais est-ce qu'eux, ils vont revenir et tout? Et je pense qu'il faut un peu s'échapper de ça. Mmh. C'est de, comme elle disait, infuser, d'aller jouer, de créer. Et puis, bah, voilà, ouais. Laisser les choses se faire. Peut-être qu'ils ont acquis des compétences techniques dans le foyer rural, machin, ou... Non, c'est clair. Mais ça demande une liberté, pardon. Hein. Non, vas-y. Mais ça demande une liberté économique hyper importante. Et du coup... Alors, je l'ai pas mis dans l'extrait, c'est l'autre facette. C'est qu'ils sont en grande difficulté financière. Non, mais c'est clair. Enfin, en fait, faire ça relève de l'utopie aujourd'hui parce que c'est pas du tout accompagné par des politiques culturelles qui vont dans ce sens-là. Au contraire, du coup. Mm. Mais c'est clair que pour moi, il y a un... Enfin bref, ça fait sens d'aller plutôt dans cette direction-là, c'est clair. Bah, c'est ça. Et dans leurs règles, il y a un truc d'horizontalité aussi dans la hiérarchie, de comment c'est organisé. Bon, on est proche de l'utopie, mais comme on a vu dans les expériences passées, ça part d'une petite utopie ou une idée un peu folle de quelqu'un et ça peut finir en une vraie politique culturelle. Bon, je vous accorde, on en est très loin à l'heure actuelle. Vous vouliez rajouter quelque chose autour de la table? Non, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. C'était que c'était un truc aussi de sortir de l'espèce de ces vitesses qui parle du théâtre élitiste. Tu vois, que longtemps, le théâtre a été un peu comme l'opéra où tu te disais, bon, bah, je vais au théâtre, je m'habille bien et tout. En fait, franchement, du théâtre, à partir du moment où il y a deux personnes ou même une seule personne qui parle devant deux autres personnes, même si c'est plus pénible de jouer devant moins de même personne, bah, c'est du théâtre, en fait. Bah, est-ce que ça n'a pas été ça au début, le théâtre? Si, dans la caverne, raconter comment était la chasse du mammouth et tout. Non, puis il y a aussi un dernier truc, c'est avec l'itinérance, il y a beaucoup aussi généralement un enjeu économique qui quand même est pas négligeable. Je sais qu'il faut pas trop parler d'économie et d'artistique en même temps, mais la preuve c'est que c'est très lié. Oui. Ouais, c'est très très lié. Et en fait, moi ce que je me dis au fond de moi, c'est que si un jour, je le souhaite pas, mais on ferme tous les théâtres, heureusement le théâtre continuera de vivre, mais ce sera de l'itinérance. En fait, on aura des gens qui iront dans la rue jouer parce qu'on aura toujours ce besoin de jouer, de voir du théâtre, de se divertir. De se raconter simplement des histoires, parce que c'est ça, ouais. À la base. C'est ça. Et c'est marrant, tu parlais de Potécher et du théâtre du peuple à Bussan, en fait, c'est ça. Enfin, l'utopie pour moi, c'est celle-là, d'avoir un lieu dans lequel, ça va pas partir en itinérance, hein, ça va rester là, mais on va créer là avec les locaux, avec les amateurs et tout ça. C'est ce qui s'est passé. Mais après, Potécher, famille d'industriels, et là, c'est une logique économique d'un autre temps, mais qui a été aussi une véritable valeur dans les pays occidentaux. C'est des grands... Il n'y a pas que dans le théâtre, ça s'est fait dans le sport, le cinéma, etc. C'est des grands industriels qui avaient une volonté aussi d'art et de culture aussi. Donc, mais ce n'est pas une politique culturelle. Non, c'est clair. Bah, ils avaient la liberté individuelle de dire... C'est ça, quoi. L'entreprise individuelle. Mais en tout cas, merci à vous trois. C'était passionnant. En tout merci cas, à toi. Petite discussion. Merci. Du coup, je vous retrouve, bah, Ottilie et Alexis, je vous retrouve dans quelques semaines. Le jeudi 20 mars, d'ailleurs, pour vous, à la fabrique Skolstreschk, pendant le festival Micropolis. Quatrième A, toujours en tournée. Oui, en tournée la semaine prochaine à Montreuil, du 11 au 15, et le 4 avril à Omeco. On connaît les dates, franchement. J'ai même eu une date avec de la place à Montreuil, si jamais. C'est vrai ? Oui, le mercredi soir. C'est vrai. Mercredi à Montreuil pour 4e A. Quant à moi, je vous donne rendez-vous. Tous se donner rendez-vous de toute manière sur Micropolis. Moi, avec les petits papiers, je reviens samedi 22 mars, donc le samedi de Micropolis, de 15h à 17h en direct du Théâtre de la Manufacture. Émission spéciale Micropolis en public avec Radio Fadjet. Donc, venez vous nous voir. Hein. Vous trois, vous pouvez venir me voir, il n'y a aucun souci. Mais même du public, on aura plein de petites surprises, plein d'intervenants pour venir nous voir. Ça durera 2 heures, donc de 15h à 17h. L'épisode 3 des Petits Papiers est disponible en podcast sur toutes les applis d'écoute et les deux premiers également en replay. Merci encore à vous trois et à Radio Fadjet pour la réalisation. Et je vous dis à très bientôt.